بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous continuons dans notre lecture et tentative de traduction du livre Manhaj al-Salikin وتوضيح الفقه في الدين du Cheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Nous avions entamé le livre de la purification et nous nous étions rendus compte ensemble du fait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a introduit le livre de la purification par ce que l'on pourrait considérer comme étant la purification du cœur, à savoir la croyance. Étant donné que la purification est de deux sortes. Purification intérieure, c'est la purification du cœur par la croyance authentique, et une purification, entre guillemets, extérieure, que l'on va aborder par la suite, Inch'Allah ta'ala. Donc on continue avec le prochain sous-chapitre, dans lequel l'auteur a dit Faslun filmiyah. Il n'y a pas un téléphone qui est branché ou l'agent, un chargeur ou quelque chose. Personne n'a branché quoi que ce soit. Ah. Il a dit: Wa amma as-salah falaha shurutun tataqaddamu alayha, fa minha at-tahara. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: La yaqbalu Allah salatan bighayri tuhur. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه. Donc le cheikh ici a dit chapitre concernant les différents types d'eau. Quant à la prière, elle dispose de conditions qui doivent la précéder. Parmi elles, la purification. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas de prière sans purification. Unanimement reconnu, authentique. Quiconque donc ne se purifie pas d'un état de pureté, d'impureté majeure, ou mineure, et ne se purifie pas de la souillure, n'a pas de prière. Et la purification est de deux sortes. La première, la purification par l'eau. Et c'est là la base. Alhamdulillah. Yahdikum Allah sahbalakum. C'est ainsi que toute eau qui descend du ciel ou qui jaillit du sol est purifiante. Elle purifie de toutes sortes d'impuretés. Qu'elles soient encore akhbath, ou qu'elles soient abstraites, ahdath. Même si cette eau a été modifiée dans sa couleur ou dans son goût ou dans son odeur par quelque chose de pur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, l'eau est purifiante, rien ne la souille. Rapporté par les auteurs des Sunan, et c'est authentique. Par contre, si une des caractéristiques de l'eau est modifiée par une souillure, alors cette eau est souillée et il devient obligatoire de s'en écarter. À la base, les choses sont pures et licites. C'est ainsi que si le musulman doute à propos du caractère souillé d'une eau ou d'un habit ou d'une portion de terre ou autre, alors cela reste pur. Et que s'il a la certitude d'être en état de pureté et qu'il doute à propos du fait qu'il soit dans un état d'impureté, alors il sera considéré comme étant en état de pureté. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'homme qui a l'impression de ressentir quelque chose durant sa prière, yirhamukallah, qu'il ne sorte pas de la prière à moins d'entendre un bruit ou de sentir un gaz unanimement reconnu authentique. Ce sont donc là les propos de l'auteur, le Cheikh Abdelrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre relatif au type d'eau dans le livre de la purification. Donc on retient de ce chapitre plusieurs points. Le premier point, la référence que l'auteur a fait aux conditions de la prière, qui seront abordées plus loin dans le livre de la prière, Incha'Allah Ta'ala. Ici, donc, ce que l'on retient, c'est une de ces conditions, à savoir la purification. Cela nous amène au deuxième point. C'est que parmi ces conditions-là, il y a la purification. La purification, At-Tahara, dans son sens linguistique, c'est proche de ce que l'on appelle la propreté. Et dans son sens religieux, c'est le fait que cesse l'état d'impureté, ce qu'on appelle al-hadath, et que soit ôtée la souillure, al-khabath. Le fait que cesse l'état d'impureté, al-hadath, et que soit ôtée la souillure, al-khabath. Quelle est la différence entre ce que l'on appelle al-hadath et ce que l'on appelle Al-Khabath. Il faut savoir que le premier, c'est-à-dire Al-Hadath, désigne tout état qui empêcherait de prier ou d'accomplir tout acte qui nécessite d'être pur. Yarhamukallah. Donc Al-Hadath, l'état d'impureté, c'est tout état qui empêcherait de prier ou d'accomplir tout acte qui nécessite d'être pur. Alors que Al-Khabath, traduit ici par souillure, Yarhamukallah, c'est toute chose qui a donc un corps dont l'on doit obligatoirement se purifier. Toute chose qui a un corps dont l'on doit obligatoirement se purifier. Si, par exemple, cette chose-là a touché notre corps ou si l'on trouve une trace de cela sur notre corps, des excréments ou autres. C'est ainsi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Quiconque donc ne se purifie pas d'un état d'impureté majeur, c'est-à-dire par les grandes ablutions, ou mineures, c'est-à-dire par les petites ablutions, et ne se purifie pas de la souillure, il vise par là le fait d'ôter cette souillure. Donc si la personne, elle est en état d'impureté majeure, afin de sortir de cet état d'impureté majeure, elle va avoir recours aux grandes ablutions, elle russle. Si, par contre, elle est dans un état d'impureté mineure, alors elle va avoir recours aux petites ablutions, entre guillemets, à l'oudou. Et si jamais elle est en état de pureté, mais qu'elle a été touchée par une souillure, alors à ce moment-là, elle s'en purifiera en ôtant cette souillure. Troisième point à retenir de ce passage, le fait que la purification est de deux types. Et le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un de ces deux types, à savoir la purification par l'eau, en disant que c'est la base. Quant au deuxième type de purification, il sera abordé plus tard, comme nous allons nous en rendre compte, bi'idhnillah. Quatrième point, le caractère purifiant de l'eau venu du ciel ou jaillissant de la terre. Le shir a dit, ça purifie de toutes sortes d'impuretés. Dans le sens, ça purifie des impuretés qui sont considérées comme étant hadath, et on a défini ce que c'était précédemment en disant que le hadath, c'est tout état qui empêcherait de prier ou d'accomplir tout acte qui nécessite d'être pur. Et l'eau donc purifie également d'al-khabath, qu'on a également précédemment défini, en traduisant cela par la souillure, qui désigne toute chose qui a un corps dont l'on doit obligatoirement se purifier, tels les excréments et autres. Cinquième point à retenir de ce passage et de ce chapitre, le cas de l'eau, dont l'une de ces trois caractéristiques a été modifiée. Qui c'est qui nous rappelle ce que l'on vise par les trois caractéristiques de l'eau? C'est quoi les trois caractéristiques de l'eau, Nasser? Son goût, sa couleur et son odeur. Son goût, sa couleur et son odeur. Donc on a plusieurs cas de figure. Le fait que cette eau soit modifiée, ou qu'une des caractéristiques, une ou plus, les caractéristiques de cette eau soient modifiées par quelque chose de pur. Des feuilles d'arbres, qu'on appelle des nénuphars, ou là, du sel marin, Et tu as également un autre cas de figure, c'est quand une ou plusieurs des caractéristiques de cette eau ont été modifiées par quelque chose d'impur. L'urine, une bête morte, du sang ou autre. Dans le premier cas, l'auteur a dit que l'eau reste purifiante, même si sa couleur, son goût ou son odeur ont été modifiés par quelque chose de pur. Et quand il a dit « même si », c'est une référence à la divergence qui existe à ce propos. Donc concernant ce premier cas, c'est-à-dire lorsque une ou plusieurs des caractéristiques de l'eau ont été modifiées par quelque chose de pur, il faut savoir que cette eau, elle reste pure. Même si sa couleur, son goût ou son odeur ont été modifiés par cette chose-là. Et il convient de spécifier cela, ça c'est très important, par le fait que cette eau continue à s'appeler comme telle. Cette eau, elle a été modifiée, soit dans sa couleur, soit dans son goût, soit dans son odeur, par quelque chose de pur. Cette eau continue à être purifiante, à condition qu'on continue à l'appeler eau. Car si jamais cette matière qui est pure et qui s'est mélangée à l'eau, en vient à prendre le dessus sur cette eau, à tel point que tu n'appelleras plus ce liquide qui est devant toi eau, mais que tu vas l'appeler par exemple café, thé, jus d'orange, ou là savon, ou autre, alors à ce moment-là, on n'appellera plus cela de l'eau. Et à ce moment-là, ce liquide perdra son pouvoir purifiant. Concernant ce premier cas, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que par l'imam al-Tirmidhi. Et ce dernier, donc, l'a considéré fiable, Hassan, et a rapporté également par l'imam Abu Daoud, et considéré authentique par l'imam al-Albani dans son livre, Irwa al-Ghalil, dans son livre, Irwa al-Ghalil, dans le volume 1, à la page 45. Voilà le livre, Irwa al-Ghalil, du Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc ce hadith, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes l'eau est purifiante, rien ne la souille, comme vous l'avez entendu précédemment. Concernant le second cas, qui c'est qui nous rappelle le second cas? Na'am Abdel Ali? Par quelque chose d'impur, na'am. Donc l'auteur, il a dit concernant ce second cas, si une de ses caractéristiques est altérée par une souillure, alors cette eau devient souillée. Il est alors obligatoire de s'en écarter. Et cela est sujet à consensus auprès des ulama, rahimahumullahu ta'ala. Donc on a vu deux cas de figure. Et on a vu ce qu'il en est concernant ces deux cas. Il reste un cas à mentionner. Ce cas-là, c'est le cas où une souillure se mélange à l'eau sans pour autant altérer une de ses trois caractéristiques. C'est le cas où une souillure se mélange à l'eau sans pour autant altérer une de ses trois caractéristiques. Il y a une grande divergence à ce sujet. Et c'est certainement pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ne l'a pas abordé dans ce livre, étant donné qu'il est résumé et qu'il est adressé aux débutants. pour ne pas trop sortir de l'objectif visé par l'auteur, on va donc se contenter de le mentionner de manière brève. Et de mentionner l'avis de l'auteur. Qui est également l'avis d'un certain nombre de ulama, parmi lesquels le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim, de même donc que l'auteur Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di dans son livre Al-Mukhtarat al-Jaliyya, que vous voyez ici, de même que son élève le Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin dans son livre Al-Sharh al-Mumti'. Cet avis-là, c'est que ce qui est pris en compte, c'est l'altération d'une ou plusieurs des trois caractéristiques de l'eau. Donc à partir du moment où une ou plusieurs de ces trois caractéristiques auront changé, alors à ce moment-là, cette eau deviendra souillée et donc impropre à l'utilisation pour se purifier. Et que si ce n'est pas le cas, alors elle restera utilisable. En attirant l'attention vers le fait, comme l'a fait le Cheikh Ibn al-Uthaymin dans Sharh al-Mumti', qu'il faut cependant prendre des précautions si l'eau est en faible quantité. Dans le sens où, si une souillure est venue se mélanger à l'eau et qu'on voit qu'elle n'a pas modifié une de ses trois caractéristiques, le goût, l'odeur ou la couleur, si on voit qu'elle est en petite quantité, cette eau, alors il faudra quand même prendre des précautions. Plus de précautions que si jamais elle était en grande quantité. Donc on a retenu ici trois cas de figure qui ont été donc mentionnés de manière résumée. Le premier cas, c'est lorsque quelque chose de pur vient modifier un ou plusieurs, ou une ou plusieurs des caractéristiques de l'eau. Le deuxième cas de figure, c'est quand c'est une souillure qui vient altérer une ou plusieurs des caractéristiques de l'eau. Et le troisième, donc, c'est si une souillure se mélange à l'eau, sans pour autant altérer une de ces trois caractéristiques. Sixième point que l'on peut retenir également de ce passage, c'est une règle de fiqh qui est très importante, que le shir a abordé ici, sachant que le shir, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, accordait énormément d'importance aux règles du fiqh. Il a d'ailleurs écrit plusieurs livres dans cette discipline. Il disait d'ailleurs, « Fahris ala fahmika lil qawa'idi » جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي السبل الذي قد وفق. Dans le sens où il incite à donner de l'importance à la compréhension des règles qui réunissent en elles énormément de questions qui sont à la base éparpillées. En disant, afin que tu progresses dans l'acquisition du savoir d'une bonne manière et que tu suives la voie de ceux qui ont été comblés de réussite. Étant donné que ces règles-là, comme l'a dit le Cheikh et comme vous venez de l'entendre, elles réunissent en quelques mots énormément de questions qui à la base sont éparpillées dans l'ensemble des chapitres du savoir religieux, notamment celui du fiqh. Donc il incitait à cela, et là donc, il a énoncé une règle du fiqh qui concerne la base dans les choses. Et il a dit à la base, les choses sont pures et licites. وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَ وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالْحِجَارَ وَالْأَصْلِ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّحُومِ وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ الْمَعْصُومِ تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيَ الْحِلُّ فَفْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ. Donc à la base, les eaux, la terre et les habits, ainsi que les pierres, sont purs. Cela rejoint donc ce qu'il a dit ici. À la base, les choses sont pures et licites. À la base, les choses sont pures et licites. Et ce, jusqu'à ce que l'on se rende compte véritablement qu'elles sont impures. En voyant par exemple une souillure, ou en sentant l'odeur, ou en ressentant le goût. Auquel cas, donc, on ne se basera plus sur la base, ou on ne s'en tiendra plus à la base, qui est la pureté et le caractère licite, mais plutôt qu'on statuera du caractère impur ou illicite de la chose. Et il a également abordé une autre règle dans le dernier point que nous avons mentionné, à savoir que la certitude ne disparaît pas à cause du simple doute. La certitude ne disparaît pas à cause du simple doute. Il a d'ailleurs dit, dans un autre livret qu'il a écrit, « وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ » فَلَا يُزِيلُ شَكُّ لِلْيَقِينِ. Il a ainsi exprimé cette règle qui est connue que la certitude ne disparaît pas à cause du simple doute. Et il a mentionné une preuve qui appuie cela. C'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique, dans le sens où il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'un homme qui a l'impression de ressentir quelque chose durant sa prière, qu'il n'en sorte pas à moins d'entendre un bruit ou de sentir un gaz. Donc, ici cet homme, il a la certitude d'être en état de pureté. Ça c'est la certitude. Pendant sa prière, il a l'impression de ressentir quelque chose. C'est-à-dire qu'il a l'impression que ses ablutions ont été annulées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le concernant qu'il ne sorte pas de la prière à moins d'entendre un bruit ou de sentir un gaz. Étant donné que la certitude ne disparaît pas à cause du simple doute. Et cette règle-là, donc, elle est valable dans énormément de situations et dans énormément de questions d'ordre religieux. C'est donc une règle très importante à retenir. La certitude ne disparaît pas à cause du simple doute. Voilà donc de manière résumée ce que l'on peut retenir de ce passage, de ce chapitre concernant les différents types d'eau. Et nous continuerons demain, bi'idhnillahi ta'ala, avec un chapitre qui concerne cette fois-ci les récipients. Étant donné que là, le shir, il a cité donc l'eau, il était opportun qu'il fasse suivre cela en mentionnant donc ce qui est relatif aux récipients, étant donné que ces récipients sont ceux qui sont menés à contenir cette eau avec laquelle nous nous purifions. On va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.